Les filles de ma famille sont très gentilles. Nous payons le voyage à la plage. Le soleil brille en juillet. Camille a un tailleur à rayures.